De Québec, du 18 au 24 octobre à 19h30, matinée le 24 octobre à 14h. 10$ par adulte et 5$ par étudiant. Informez-vous au 418-643-9833. C'était le bruit d'un geyser quelque part en Islande. Mon nom est Michel Monette et c'est l'émission Les oreilles ailleurs. Je ne sais pas vous, mais moi, trois choses me viennent à l'esprit quand je pense à l'Islande. D'abord, les geysers. Ensuite, les fabuleuses aurores boréales. Et puis, Björk. Mais il n'y a pas que les geysers. Quoiqu'ils attirent des touristes de partout dans le monde, il n'y a pas que les aurores boréales qui, elles aussi, attirent un bon nombre de visiteurs en Islande. Et il n'y a pas que Björk, la magnifique Björk. Pour vous le prouver, je vous présente aujourd'hui quelques-uns des artistes qui font la scène islandaise actuelle, à commencer par Samaris, un trio qui combine des instruments classiques et électroniques. Leur style est assez imprévu, leurs paroles sont un dialogue constant avec la nature, comme dans la chanson que je vous présente, Goda Tundu. Thank you. leisten Glück erschert werden, laut die mich erschten Fjaude, Gauda, Tunglum, Loft und Lieber, Luft ist die En så illen allvalt beder efter din nevesebrød. C'était Samaris dans Note, précédé de Goda Tunglum. La prochaine artiste a un père islandais et une mère japonaise. Elle est née en Islande, elle vit dans la capitale de ce pays. Elle s'appelle Mamiko Dis. Elle a étudié la musique classique, elle étudie le piano jazz. Elle aime beaucoup aussi la musique pop. Elle a sorti en 2014 un album concept basé sur l'œuvre du poète Christian Reisen. Écoutons d'elle la chanson « Visca ». Alaska de la chanteuse Mamiko Dis. On enchaîne avec Tater Magnusson. C'est un chanteur qui fait partie du groupe Obja Rasta. C'est un groupe reggae. Et il a décidé de faire un album solo. Ce n'est pas du reggae. Et de cet album, on va écouter la chanson Nanny, remixée par Ivar Petuk. Mais auparavant, on va écouter une chanson par une jeune femme qui a fait sensation au Iceland Airways de 2014. C'est un festival de musique qui se tient chaque année à Reykjavik, la capitale de l'Islande. Cette année, c'est du 4 au 8 novembre. C'est un festival qui réunit autant des groupes islandais que des groupes étrangers. De DJ Flugvel Hog Game Skip, voici Glamour i Glam Game Num. Thank you. Termine cette première partie de l'émission avec un enregistrement qui a été fait dans les hauts plateaux islandais près du mont Logarfell. C'est Hafdís Bjarnadóttir qui l'a fait. C'est une musicienne qui fait des compositions expérimentales, mais qui a aussi décidé de faire le tour de l'Islande. Elle a enregistré un peu partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et ça a donné un album magnifique qui est disponible sur Bandcamp, comme la plupart des chansons que vous entendez aujourd'hui. La Ligue québécoise d'impro BD, c'est un match unique où prouesse théâtrale côtoie coup de crayon inspiré. Des équipes composées de dessinateurs et d'improvisateurs s'affrontent au fil de matchs endiablés, surprenants et surtout divertissants. Découvrez l'impro BD lors de notre prochain match, le dimanche 11 novembre 20h, au Cercle. 228 rue Saint-Joseph-Est, entrée 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Information liquibd.com. CKRL 89.1. On doit s'étonner que la musique islandaise soit si atmosphérique, soit souvent atmosphérique, entourée d'une telle nature. On va débuter la deuxième partie de l'émission avec un artiste qui s'appelle Obo. Obo, c'est Olafur Bjørg Olafsson. Il est multi-instrumentiste, mais il est aussi compositeur et il est aussi musicien pour plusieurs artistes d'Islande, et non seulement d'Islande, mais d'Europe. En 2014, il a décidé de se lancer dans un projet solo, après quand même une assez bonne carrière. Le projet a donné lieu à un album qui s'appelle Utverfi, et de cet album, on va écouter une chanson qui commence par une introduction très longue, très mélancolique. Tout ça d'ailleurs est assez atmosphérique. La chanson s'intitule Utverfi. Ce que vous entendez, ce n'est pas l'enregistrement d'une marche lors du printemps érable ici au Québec. Non, c'est plutôt un enregistrement fait en 2010 en Islande. On s'en rappelle pas, mais c'est là qu'a débuté la crise, la dernière crise, la crise de 2008, la crise quand même financière et qui a eu des conséquences pour plein de monde. Et une des conséquences, plusieurs conséquences malheureuses, mais une des conséquences heureuses de cette crise, c'est que ça a permis à des artistes comme ceux qu'on va entendre maintenant d'avoir davantage d'attention de la part de la population de l'Islande, parce que les gens ayant moins d'argent, ayant moins d'espoir dans l'avenir aussi, se sont tournés vers les arts, se sont tournés vers la musique, et c'est ce qui leur a permis de démarrer. Le groupe s'appelle Arstidir. On va les écouter dans un enregistrement fait à Dresden. Ça, c'est en Allemagne en 2013. Un enregistrement qui est disponible gratuitement sur Bandcamp. Et l'extrait que je vous fais jouer, c'est Shades et Tarin. Sigan mig, Le bruit de fond que vous entendez a été enregistré quelque part dans une cafétéria en Islande. C'est une des ambiances sonores que j'ai prises sur le site freesound.org. Je vais mettre les crédits sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net. Vous allez avoir aussi le titre des pièces, le nom des artistes et le titre des pièces que vous aurez entendues aujourd'hui. Là, on va enchaîner avec Ilja, précédé de Mogil. Ilja, c'est un duo, ça a d'abord été un duo qui a démarré en 2008, tout comme Obo. Ils sont plus acoustiques que Mogil, qui mélangent le folk, le jazz, la musique classique, le minimalisme, le post-rock, tout ça dans un univers qui est tout à fait original et tout à fait distinct. On va les écouter dans une chanson qui s'intitule « Litla Promp ». Thank you. solo blíða út á landi Ærnar jarmandi, fólki raulandi, fjöllin hvíslandi Lækurinn svalandi Hlaupandi á rauðum sandi Í kolunni svífur góður andi Dansandi, hoppandi, blaðrandi og blístrandi Og allir hlæjandi Undir berum himni Við sofum undir berum himni Flöktandi, sólin hún blindandi, blómin blómstrandi, náttúran dreymandi. Náttúran dreymandi. Undir berum himni. Undir berum himni. C'était Ilja dans Rodom Sandi. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Il y a l'émission Tout feu, tout flamme qui suit. Mon nom est Michel Monette et je vous dis à la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Tout feu, tout flamme, des rythmes endiablés de l'Afrique. Sana, mu bakisera yo musikita musana nze sikyalosi nze sikyalosi ndi boss sikyalosi dance dance à ne pas manquer cette semaine sur La Fabrique culturelle. Le regard de Christine Brouillette sur la toute nouvelle Maison de la littérature. Quand on arrive ici, on a l'impression de baigner dans la lumière. C'est un écrin pour les livres. Feuille morte, un premier film pour trois réalisateurs de Québec avec Roy Dupuis. Dernièrement, c'est souvent des jeunes réalisateurs, en tout cas des premiers films, qui sont venus me chercher, qui m'ont donné le goût de travailler. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Venez danser sur les rythmes des chauffeurs à pied, sur le son électrotrad d'Olivier Soucy et sur les beats techno de DJ Millimétrique, tout en suivant les pas dictés par le caleur Jean-François Berthiaume. Jeune et moins jeune, novice et expérimenté, entrez dans la danse à l'occasion d'un bal électrotrad. La rencontre de ces deux univers est très prometteuse. Venez nombreux, l'entrée est libre. Le samedi 24 octobre à 19h30, édifice Denis Giguère. Le samedi 5 décembre à 19h30, centre communautaire Fernand Dufour. Détails au www.cvpv.net. Salle Kirouac des Chevaliers de Colomb, ça vous dit quelque chose? Pour vos banquets, mariages, réceptions, conférences ou réunions privées, les salles Kirouac, ce sont 4 salles de 40 à 340 places. Les salles Kirouac offrent le service de bar. Informez-vous sur nos forfaits. Toutes les salles sont climatisées. Venez nous supporter lors du souper bénéfice du Comité des œuvres charitables le 24 octobre. Les Chevaliers de Colomb au service des démunis. 709 rue Kirouac. Réservé au 418-687-4157. Le Palais Montcalm vous attend avec sa programmation d'automne qui compte une fois de plus de grands noms et de grands concerts. En octobre, du Indie Folk avec Basia Bulat. En novembre, 2 concerts pour célébrer les 100 ans d'Édith Piaf et de Frank Sinatra. En décembre, 3 concerts classiques avec les Dimanches de l'Orgue. Aussi, du jazz, de la musique du monde et plus encore. Vivez la musique à son meilleur avec plus de 25 autres concerts cet automne. Détails au palaismontcalm.ca. Sillon le disquaire. Fermeture. Dimanche, le 18 octobre à 17h. Sillon liquide son inventaire et en guise d'adieu, offre tout à 2 pour 1. Tous les CD sont déjà en liquidation entre 2 et 9 $. Achetez-en un, le deuxième sera gratuit. Ne tardez pas, les stocks baissent à vue d'œil. Dernière journée, fermeture définitive, dimanche. Sillon vous dit merci pour ces 31 belles années. Je voudrais rester comme ça pendant 20 ans. Et toi? Tu sais, 20 ans, c'est long. Je te dirais « mon non-non » et tu me répondrais « ma lulu » et la vie s'écoulerait. Ce serait récréatif. Tu m'aimes? Je t'adore! Je ne sais pas comment je vais lui annoncer ça. Un fil à la patte, une pièce de Georges Feydeau, dans une mise en scène de Jacques Leblanc, présentée au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec, du 18 au 24 octobre à 19h30, matinée le 24 octobre à 14h. 10 $ par adulte et 5 $ par étudiant. Informez-vous au 418-643-9833. Prendre soin de soi, prendre soin du monde, c'est le thème du colloque sur lequel se pencheront une quinzaine d'intervenants experts en sepsis volontaire et en écologie. Méditation matinale, conférence de médecins sur la santé globale, 9 ateliers de formation, un café découverte et une table ronde avec 4 simplistères connus. Portez votre regard vers une autre direction, vers un autre mode de vie. Avec moins, c'est assez. Samedi 31 octobre, dimanche 1er novembre, au Pavillon des Jardins à l'Université Laval, réservé sur le site lepointdevente.com. Thank you.